Radio Slave sur les ondes de Galaxy. Merci à vous d'être branchés. Tony pour vous accompagner jusqu'à 19h. Ensuite, comme chaque vendredi, vous retrouverez Storm. 21h, vous retrouverez Guillaume pour l'émission progressive. Et 23h, Alex Kea. sera 18h dans un peu moins de 7 minutes et vous êtes calés sur les ondes de Galaxy. Merci à vous, excellent début de week-end à toutes et tous. bonne soirée sur les ondes de Galaxy. Il est 18h. Bonne soirée, vous êtes branché Galaxy 95-30, il est 18h14, comme chaque vendredi soir, c'est Storm que vous retrouverez à partir de 19h, puis Guillaume pour l'émission progressive à 21h et Alex Kaya dès 23h. Franck Somme à l'instant sur Galaxy, merci à vous d'être branchés. Bonne soirée tout à l'heure à partir de 19h. Comme chaque vendredi, c'est Storm que vous retrouverez. Voici tout de suite 909 Disco avec Donner Stag. We'll be right back. Merci à vous d'être branchés sur les ondes de Galaxy en ce vendredi soir. Excellent début de week-end. Quelques instants encore, cette première compagnie. Et juste après, à partir de 19h, ce sera Storm. Et puis, comme chaque vendredi à 21h, vous retrouverez l'émission Progressive Trans de Guillaume. Et à 23h, Alex Kaya. Music for happy people. Happy people. Happy people. Happy people.